Alors viens qu'on te voit, de dire ta tête sur mon épaule, te serrer dans mes bras. Moi je demande que ça, tu sais que je t'aime bien. Alors si tu y viens, fais pas grise mine, sinon je me mine. Chaleur.